ceux qui croient en l'Éternel. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Bénédiction. Sur les sentiers, bénédiction à Jésus. Immerser toute la journée en y lever l'ombre et remercier. L'Éternel donne la grâce et la gloire à tous ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Bénédiction de la maison de Dieu. Que tes demeures sont aimables, ô Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le pasteur eux-mêmes trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes étais l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Bénédiction de la maison de Dieu.